Le comité de souvenirs du camarade Kim Jong-il, grand dirigeant, est constitué le 1er décembre au comité du Parti communiste de la Fédération de Russie pour la province d'Amour. Le comité a décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits immortels du général Kim Jong-il à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.